aux saisons, aux châteaux. Quelle âme est sans défaut. Aux saisons, aux châteaux. J'ai fait la magique étude. Du bonheur que nul n'élude. Au lit de nuit chaque fois que chante le coq gaulois. Mais je n'aurai plus d'envie il s'est chargé de ma vie. Ce charme, il prit âme et corps et dispersa tous efforts. Comprendre à ma parole. Il faut qu'elle fuit et vole. Ô saison, ô château.